Section 38 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 7e. Section 38. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 6. Sur le lac Nyanza, l'Ouganda, pays merveilleux, l'empereur M'Tesa et sa cour, le Bourza, les Amazones, étrange monarque, un héros français au Soudan. Le ciel est sombre, l'eau est grise, les rochers sont nus et sourcilleux, la rive est morne et solitaire. Les rameurs soupirent douloureusement, leur nage est celle d'hommes qui croient aller à une mort certaine. De temps à autre, ils attachent sur Stanley de longs regards, comme s'ils espéraient un ordre de retour. Les nuits sont mauvaises, les roseaux remplis de moustiques dégagent des effluves marécageuses qui donnent la fièvre aux plus vigoureux. L'air est froid, tout est triste, mais Stanley garde l'espérance au cœur, et l'on poursuit la course en rasant toujours la rive. Pendant 3 semaines, ce fut une alerte continuelle. À tout moment, on se trouvait en vue soit de côtes inhospitalières, dont les habitants manifestaient clairement leur intention de s'opposer à tout débarquement d'étrangers, soit de canots montés par des nègres pirates, en quête d'un mauvais coup à faire. Chez les Vouavouma, notamment, Stanley fut obligé de se servir de ses armes pour disperser les pirogues ennemies qui s'étaient lancées à sa poursuite. Mais quand il arriva devant Oukafou, quel changement soudain! Était-ce bien l'Afrique centrale? Ce pays où il rencontrait des gens aimables, pleins d'admiration pour les étrangers, tout à la fois hospitaliers, riches et puissants. Amenez des bœufs, des moutons et des chèvres, apportez des pots de lait, de grandes jarres de maramba. Note, bière africaine. Fin de la note. Donnez vos meilleures bananes, afin que l'homme blanc et sa suite goûtent les douceurs de l'hospitalité. L'homme blanc peut-il se présenter devant notre empereur le ventre vide? Voyez comme ses joues sont creuses. Sachons lui témoigner notre cordialité. Tel était le mot d'ordre des chefs de district de ce pays enchanté. Et le Lady Alice voyait affluer à son bord les provisions les plus plantureuses, en même temps que d'amicales paroles de bienvenue saluaient le passage des voyageurs. On était dans l'Ouganda, le pays du puissant empereur M'Tesa. L'Afrique offre peu de scénerie plus agréable que celle de ses côtes. Du bord de l'eau jusqu'au sommet des collines, tout n'est que verdure de teintes diverses, fécondité et fraîcheur. Gracieux contours relevés par le fier profil d'escarpements lointains et par une série de terrasses majestueuses qui vont rejoindre des pays inconnus. Le vert tendre des roseaux tranche vivement sur la sombre verdure des figuiers. Au-dessus des frondaisons soyeuses des bananiers s'étend le feuillage pâle des tamariniers, tandis que sur les pentes, l'herbe nouvelle déploie son tapis d'émeraude. Ici, les collines, se gonflant en dômes, entourent des dépressions remplies de bananiers. Là-bas, elles dressent leurs flancs abrupts, jettent de hardis promontoires, et se reculent en une série de gradins qui se perdent à l'horizon. Plus près, c'est la grève caillouteuse d'un village, ruban sinueux d'un gris clair qui court entre le gris foncé du lac et le vert brillant des bananeraies aux fruits d'or. On dirait un coin de l'Éden baigné par les flots bleus d'un lac enchanté. L'empereur M'Tesa avait bien fait les choses. Au-devant de l'homme blanc, il avait dépêché une flottille de 5 canots, commandée par un des hauts dignitaires de la cour, avec ordre de pourvoir l'expédition de tout ce dont elle aurait besoin, et de lui faire la conduite jusqu'à Oussavara, quartier général de chasse, où le souverain séjournait à ce moment-là. Le Lady Alice se trouvait encore à 2 milles de la côte, que déjà toutes les hauteurs avoisinantes se couvraient d'une foule compacte accourue pour saluer l'hôte du roi. Et au moment où le bateau accosta la grève, un spectacle grandiose s'offrit aux yeux de Stanley. Sur un terrain en pente douce étaient rangés en deux haies compactes plusieurs milliers de soldats, vêtus à l'instar des Zanzibarites, qui rendirent les honneurs à l'homme blanc. Des salves de mousqueterie furent tirées. Les tambours, les timbales, les grosses caisses battirent la bienvenue, les drapeaux, les banderoles s'agitèrent joyeusement, et toute la foule des spectateurs se confondit en acclamations enthousiastes. Devant cette pompe et ce déploiement de troupes, Stanley s'attendait à voir apparaître le roi M'Tesa en personne. Il n'en fut rien. L'intendant du palais, suivi des convoyeurs de provisions, arriva seul, et s'agenouillant devant l'étranger, « L'empereur, dit-il, envoie ses salams à l'homme blanc venu de si loin pour le visiter. Il ne peut voir le visage d'un si grand ami avant que son hôte ait bien mangé et soit satisfait. C'est pourquoi il a dépêché son esclave avec ses quelques vivres, et à la 9e heure du jour, quand son ami sera reposé, l'empereur l'enverra chercher pour le recevoir au Bourza. » Pendant qu'il achevait sa harangue, l'émissaire royal faisait amener devant Stanley 14 bœufs gras, 8 chèvres, 8 moutons, 100 régimes de bananes, 3 douzaines de volailles, 4 jarres de lait, 4 corbeilles de patates, 500 épis de maïs vert, 1 panier de riz, 20 frais et 10 cruches de vin de bananes. Les voyageurs restaient confondus devant cette munificence impériale. Leur arrivée dans l'Ouganda prenait le caractère merveilleux d'un conte de fées. Quand l'expédition se fut bien restaurée, chacun se baigna, se brossa et s'habilla du mieux qu'il put pour l'audience royale. Et à la 9e heure du jour, 2 pages se présentèrent pour inviter Stanley, de la part de l'empereur, à se rendre au Bourza. Ses envoyés portaient la longue robe blanche de Zanzibar, serrée autour des reins par une ceinture, et le manteau national, qui, attaché sur l'épaule droite, tombe jusqu'aux pieds. Stanley les suivit, escorté de ses gens armés de fusils. On gravit d'abord une éminence couverte de grandes huttes coniques, dont les toits seuls apparaissaient au-dessus de l'épais feuillage des bananiers et les clôtures de roseaux. Sur les flancs de cette colline se déroulent de larges avenues en pente douce, au sol uni, bordées de palissades de canne, derrière lesquelles sont groupées les demeures des indigènes, comme autant de points gris sur un océan de verdure. Vêtus de costumes pittoresques, les habitants se pressent dans les allées. Sur les robes blanches inondées de lumière, le rouge et le brun des manteaux jettent une ombre harmonieuse. Les bonjours s'échangent, les nouvelles se racontent, et tout ce peuple se porte en foule vers le palais qui est au haut de la colline. L'empereur adore la pompe et le faste, et comme lui, chacun de ses sujets en déploie autant que le lui permettent son rang et ses moyens. Ainsi, M'Tesa a toujours avec lui 40 tambours, 20 fifres, 10 joueurs de guitare, des saltimbanques, des clowns, des nains, des albinos, des messagers, des courriers, tout un monde de pages, de courtisans, de solliciteurs, de gardes du corps, et 2 porte-étendards qui l'accompagnent dans toutes ses sorties, pour témoigner de sa majesté et de sa puissance. À l'instar de leur souverain, les chefs ont tous une suite aussi nombreuse que possible, leurs porte-fanions et leurs pages. Il en est de même des autres sujets de l'Empire, et il n'est jusqu'aux paysans ou aux vachers qui ne fassent trotter derrière lui un petit esclave, un enfant porteur de ses lances et de son bouclier. Tout à coup, les voix s'arrêtent. Un roulement prolongé de timbales annonce que le monarque vient de prendre place au Bourza. Les portes s'ouvrent, et le public composé de chefs, de soldats, de paysans se précipite bruyamment à travers 8 ou 10 cours vers la salle d'audience. Il faut bien l'avouer, dans cet empressement tumultueux se manifeste clairement le sentiment d'abjecte servilité qui caractérise les sujets d'un despote. Et en dépit de leur qualité, les gens de l'Ouganda sont loin d'en être exempts. L'entrée de Stanley dans la cour est saluée par un vacarme formidable. 1000 instruments, plus étranges les uns que les autres, produisent les sons les plus discords, les plus assourdissants. Les gardes du corps de M'Tesa présentent les armes. Le roi est là, debout à l'entrée de la salle. Il serre chaleureusement la main de l'Européen et le dirige lui-même à travers une haie de courtisans au siège qui lui est réservé. La pièce où se tient le Bourza est longue d'environ 18 mètres sur 4 à 5 de large. Le plafond, surbaissé près de la porte, repose sur un double rang de piliers de bois qui partagent l'espace en 3 parties. Celle du milieu est inoccupée et conduite au siège royal. Celles de droite et de gauche sont remplies par les dignitaires et les principaux officiers. À chaque pilier se tient un garde du corps, portant sous son manteau rouge une blouse noire et un pantalon blanc, l'un et l'autre à bandes rouges, et pour coiffure un turban blanc garni de peau de singe. Tous ces gardes sont armés de fusils. Le trône, qui se trouve au fond de la nef centrale, est un siège de bois ayant la forme d'un fauteuil de bureau. M'Tesa va s'y asseoir et du geste invite Stanley à prendre place à sa droite sur un tabouret de fer. Toute la cour s'accroupit alors, qui sur des nattes, qui sur le sol. Les pieds du souverain reposent sur un coussin placé, ainsi que le fauteuil, sur une peau de léopard, qui se déploie elle-même sur un tapis de Smyrne. Devant le roi est couchée une dent d'éléphant supérieurement polie, et deux boîtes renfermant des fétiches. Du côté droit du trône est une lance en cuivre, du côté gauche, une lance en acier, chacune tenue par un garde. Ce sont les insignes de l'Ouganda. Enfin, au pied de l'empereur sont prosternés trois personnages, le vizir et deux secrétaires. M'Tesa a de la dignité et ne manque pas d'une certaine distinction naturelle. Ses traits et sa peau unie, lisse, sans rides, sont ceux d'un jeune homme de 30 à 35 ans. Il a la tête rasée, couverte d'un fez. Ses pieds sont nus, mais à côté du coussin où il repose se trouvent deux babouches turques, d'un rouge cramoisi, qu'il chausse lorsqu'il se lève de son siège. La main droite du monarque tient fortement la poignée d'or d'un cimetière arabe, la gauche est étendue sur le genou et rappelle l'attitude du Ramsès de Thèbes. De très grands yeux d'un vif éclat, toujours en mouvement, et qui semblent embrasser tout d'un regard, distinguent seule la figure impériale de celle de ses sujets. Toutefois, la physionomie est plus mobile, elle passe plus rapidement d'un extrême à l'autre. Au repos, elle est intelligente et digne. Une pensée désagréable ou mauvaise traverse-t-elle l'esprit du monarque? Les coins de la lèvre se contractent, les yeux grandissent et se projettent, les mains ont des mouvements nerveux. Alors, toute la cour frémit et appréhende une explosion de fureur. Que si, au contraire, le contentement anime ses traits? Alors les yeux reculent, reprennent leur dimension ordinaire, les lèvres se détendent, et un rire sonore traverse la salle. M'Tesa attacha sur Stanley un long et curieux regard, et s'enquit avec intérêt des motifs de son voyage. Le récit des merveilles de la civilisation le passionnait. Dès qu'une chose lui était dite sur ce sujet, il la traduisait immédiatement à ses femmes et à ses chefs, car son ambition, dont il ne se cache pas, est d'imiter autant que possible les coutumes des hommes blancs. Au demeurant, 14 ans de règne avaient déjà rendu M'Tesa un politique habile, trop expert peut-être dans l'art de dissimuler, mais possédant un caractère d'une grande originalité, beaucoup de courtoisie dans les paroles et une générosité cordiale. C'était un homme, en un mot, qui, par la puissance de sa nature et malgré le sentiment de son mérite et de sa force, comprenait les besoins, les désirs et la dignité d'autrui. L'entrevue de Stanley ayant pris fin, l'empereur donna ordre d'introduire les ambassadeurs étrangers qui faisaient antichambre dans la nef centrale. Le premier était un employé de Mirambeau, contre qui M'Tesa avait l'intention d'envoyer une expédition de 50 000 hommes. Le farouche conquérant de l'Unyanyembe, le vainqueur de Zimbizo, faisait humblement déclarer par son envoyé qu'il n'avait aucun sujet de querelle avec l'Ouganda, et pour preuve de bonne amitié, il envoyait à son puissant voisin tout un attirail de riches présents. Cependant, M'Tesa, au cours même de ce discours, avait affecté de parler négligemment de choses et d'autres avec ses chefs, sans faire attention à l'orateur. Quand tout à coup, tournant vers celui-ci des yeux chargés d'éclairs, et d'un ton décisif, « Dis de ma part à Mirambeau que je n'ai pas besoin de ses présents, mais qu'il me faut la tête de l'homme qui a tué mon chef Lingiri, l'an dernier, sur la route de Zanzibar. Sinon, je détruirai ses états, et il n'y restera pas un arbre. Va-t'en !» Un autre groupe se présente. Ce sont des indigènes. Leur roi est mort, ils désirent savoir qui doit leur succéder. Et amènent à M'Tesa les fils du défunt. L'empereur consulte ses dignitaires, fait son choix, et le nouveau chef prête aussitôt serment de vassalage entre ses mains. En ce moment apparaît une longue procession de femmes, les unes jeunes, les autres plus ou moins âgées. Le monarque se lève, tout le monde suit son exemple. Ces dames, qui s'arrangent pour arriver à la cour au bon moment, sont les descendantes des aïeux de M'Tesa, et par conséquent pupilles de l'empereur. Elles s'avancent jusqu'au bord du tapis, et à chacune d'elles, M'Tesa adresse un mot aimable. Puis quand elles sont assises, il va se poser sur leurs genoux et les embrasse les unes après les autres. Mais voici qu'un messager arrive des bords d'une île Victoria et rapporte que Namyunju, un principicule, vassal de l'Ouganda, a rompu son serment de fidélité et ouvert des négociations avec le roi d'Unyoro. À cette nouvelle, les yeux de M'Tesa s'ouvrent démesurément et semblent jaillir de l'orbite. « Tous mes guerriers sont-ils donc morts ? » s'écrie-t-il. « N'ai-je plus ni chef, ni soldat, ni peuple pour être traité de la sorte par un Namyunju ?» La réponse ne se fait pas attendre. Tous les grands dignitaires se lèvent, courent à l'entrée de la salle, saisissent leurs lances ou leurs cannes, et crient à l'empereur de regarder ses chefs et de les compter. Ils brandissent leurs armes avec des gestes si expressifs qu'un étranger pourrait croire qu'une révolution vient d'éclater. C'est bien, répond tranquillement M'tesa. Sur quoi les assistants reportent leurs armes dehors et regagnent leur siège. M'tesa jette les yeux autour de lui et, d'une voix calme, appelle Mahour ou Gongou. Un jeune homme, à l'œil ardent, répond, s'élance et se prosterne. « Va, lui dit l'empereur, prends 5 régiments et avale Namyunju et son territoire. » Prompt comme l'éclair, Mahour se redresse, saisit son bouclier, ses 2 lances, prend l'attitude d'un héros antique et, d'une voix éclatante, « Regardez-moi, clame-t-il, l'empereur l'ordonne, Namyunju mourra. J'aurai sa dépouille, j'avalerai sa terre. Merci, merci, grand roi !» L'empereur se lève, le tambour en chef exécute un long roulement, tout le monde est debout, chef, courtisan, page, étranger, et sans ajouter un mot, M'tesa se retire par une porte latérale. Le bourza est terminé. Suivons cet étrange monarque à travers les cours nombreuses qu'il franchit à présent et qui semble n'avoir d'autre but que d'isoler les bâtiments et dérouter l'étranger. Le voici dans l'un des préaux, faisant manœuvrer ses amazones et jouant aux soldats avec ses favorites. Elles sont toutes avenantes, ces femmes soldats, simplement brunes, avec de superbes poitrines virginales. Mais ce qui frappe surtout, c'est la discipline qui règne dans cet étrange régiment. Ces regards timides et attentifs qu'elles jettent sur le jeune monarque pour deviner son moindre désir témoignent de leur dévouement pour sa personne et prouvent aussi que pour lui plaire, elles ont assisté à d'autres combats qu'à des joutes d'amour. Dans une cour voisine, nous le retrouverons plus tard, faisant un léger repas de bananes mûres et de lait caillé, ou riant et babillant avec ses épouses préférées et avec ses filles, assises en cercle autour de lui, et qui toutes règlent leur visage d'après l'humeur du despote. De là, suivi d'un page favori, il ira dans la case du trésor examiner les présents qu'il aura reçus des voyageurs. Ou bien, avec son factotum, on le verra étudier quelques nouveautés, une charrette, une voiture, un navire, un bateau, dont l'idée se sera pour un moment emparée de son esprit. Tel est, brièvement esquissé, ce monarque intéressant qui régnait alors sur l'Ouganda, vaste et fertile empire dont la superficie dépasse 180 000 km² et dont la population peut être évaluée à 2 800 000 habitants. Par leur position géographique, par leur richesse et par la valeur de leur armée, ces territoires sont certainement appelés à jouer un rôle important dans la poussée des Européens et des Égyptiens en Afrique par la voie du Soudan. Et en effet, pendant le séjour de Stanley à la cour de M'tesa, une ambassade importante se présenta. Elle était commandée par un Français, Linan de Bellefond, membre de l'expédition de Gordon Pacha, et avait pour but de négocier une alliance avec le puissant empereur de l'Ouganda. On était alors en 1875. Et aujourd'hui, à 12 ans de distance, ce même État nègre, bien que M'tesa soit mort, est encore l'arbitre de la destinée d'un lieutenant de Gordon, d'Emin Pacha, au secours de qui s'est porté le même Stanley. L'infortuné Linan de Bellefond n'eut pas, hélas, un sort plus propice que Gordon. En revenant de chez M'tesa pour regagner Ismaïla, il eut à soutenir dans l'Uniro un combat acharné qui dura 14 heures, contre ces mêmes indigènes qui bloquent aujourd'hui Emin Pacha. Il leur échappa, mais peu de temps après, chargé d'une nouvelle mission, il fut attaqué par les Bari, qui cette fois le massacrèrent, ainsi que les 30 soldats de son escorte. Ne l'oublions donc pas, cette terre du Soudan, qui fut le tombeau de Gordon, et où se déroulent aujourd'hui les événements de la délivrance de son dernier lieutenant, a reçu pour premier baptême le sang d'un héros français, de Linan de Bellefond. Fin de la section 38.